Can you excuse me? Can I put your questions now? De pure signification. C'est-à-dire que c'est dans le temps, ces trois termes sont trois, que nous voyons la présence du troisième, c'est-à-dire entre les deux autres, qui est une relation. C'est cela que nous dit le lieu formel. Il y a une autre façon de rendre le langage, et bien sûr, la chose est actuelle. Elle est actuelle pour le fait que quelqu'un qui est nommé, qu'après que l'être est la personne, mais que j'avais connu des avant, c'est à savoir nommé René Tombe, et que quelqu'un tombe ensemble et certainement non sans en avoir déjà frayé certaines voies, aborder la question du langage sous le biais sémantique, c'est-à-dire non pas de la combinaison signifiante, de la combinaison signifiante en tant que la mathématique pure peut nous aider à la concevoir comme telle, mais sous l'angle sémantique. C'est-à-dire, non pas sans recourir aussi à trouver certaines courbes, dirais-je, certaines formes, qui se déduisent de ces courbes, quelque chose qui nous permettrait de concevoir le langage. Comme dirais-je, quelque chose comme l'écho des phénomènes physiques. C'est à partir, par exemple, dans ce qui est purement et simplement communication de phénomènes de résonance, que serait élaboré une courbe qui, pour valoir dans un certain nombre de relations fondamentales, se trouverait secondairement se rassembler, s'homogénéiser, si on peut dire, être pris dans une même parenthèse d'où résulteraient les diverses fonctions grammaticales. Il me semble qu'il y a déjà un obstacle à concevoir les choses ainsi. C'est qu'on est forcé de mettre sous le même terme, verbe, des types d'actions fort différentes. Pourquoi le langage aurait-il, quelque sorte, rassemblé dans une même catégorie des fonctions qui ne peuvent se concevoir d'origine que sous des modes d'émergence très différents. Néanmoins, la question reste en suspens. Certains qu'il y aurait quelque chose d'infiniment satisfaisant à considérer que le langage est en quelque sorte modulé sur les fonctions supposées être de la réalité physique. Même si la réalité n'est pas variable par le biais d'une fonctionnalisation mathématique. Ce que je suis pour moi en train pour vous d'avancer, c'est quelque chose qui foncièrement s'attache à l'origine purement topologique du langage. Cette origine topologique, je crois pouvoir m'en rendre compte. À partir de ceci, qu'elle est liée essentiellement à quelque chose qui arrive sous le biais chez l'être parlant de la sexualité. L'être parlant est-il parlant à cause de ce quelque chose qui est arrivé à la sexualité où serait le sens est-il arrivé à la sexualité parce qu'il est l'être par l'homme? C'est une affaire où je m'abstiens tranchément en laissant le soin. Le chêne fondamental de ce dont il s'agit, que ce soit, je vais tenter de pousser le rendu un peu plus avant, et ceci. La fonction dite sexualité est définie. Autant que nous en sachions quelque chose, nous en savons quand même un bout, soit-ce par expérience, c'est ainsi que les sexes sont deux. Quoi qu'en pense un auteur célèbre, je dois dire, dans son temps, avant qu'elle ait pondu celui qui s'appelle le deuxième sexe, avait cru en raison de je ne sais quelle orientation, car en réalité je n'avais encore commencé à rien enseigner, avait cru devoir en référer à moi avant de pondre le deuxième sexe. Marie-là, au téléphone, me dit que seulement elle a besoin de conseils pour l'éclairer sur ce qui devait être la figure psychanalytique à son bras. Comme je lui faisais remarquer qu'il faudrait bien au moins enfoncer un minimum, puisque parle depuis 20 ans, ce n'est pas par hasard. Et il faudrait bien que j'ai 5 ou 6 mois pour que j'en déroule la question. Il me fait observer que la question, bien sûr, d'un livre qui était déjà en cours d'exécution, tant si longtemps, les lois de la production littéraire sont telles que semble exclu d'avoir moins de 3 ou 4 entretiens. À la suite de quoi je déclinais cette le fondement de ce que je suis depuis un moment en train de sortir pour vous, très précisément, très précisément ceci, qu'il n'y a pas de deuxième sexe. Il n'y a pas de deuxième sexe à partir du moment où entre en fonction le langage. Ou pour dire les choses autrement, concernant ce qu'on appelle l'hétérosexualité, c'est très précisément ceci. C'est que le mot éros, qui est le terme qui sert à dire autre en grec, est très précisément dans cette position, rapport, que chez l'être par moi, on appelle sexuel, de se vider. En tant qu'être. C'est précisément ce vide qui offre à la parole ce que j'appelle le lieu de l'autre, à savoir ce où s'inscrivent les effets de la dite parole. Il ne faut pas nourrir ceci. Parce qu'après tout, ça nous tarderait à quelques références étymologiques et comment Eros se dit rapport articulable s'il y avait rapport à cela, que l'être par l'homme, devrait-il, c'est là la question, s'énoncer de tous ceux d'un même sexe à tous ceux l'autre. C'est évidemment l'idée qui me suggère, au point où nous en sommes, la référence à ce que j'ai appelé le modèle animal. Aptitude, si je puis dire, de chacun d'un côté, à valoir pour tous les autres de l'autre. Vous voyez donc que l'énoncé se promulgue selon la forme sémantique et significative de l'universel, à remplacer dans ce que j'ai dit chacun par quiconque ou par n'importe qui. N'importe qui d'un seul côté, nous serions tout à fait dans l'ordre de ce que suggère ce qui s'appellerait, vous connaissez dans ce conditionnel quelque chose à quoi fait écho au discours qui serait un ressemblant, eh bien, à remplacer ce chacun par quiconque, nous serions bien dans cette indétermination de ce qui est choisi dans chaque tous pour répondre à tous les autres. Le chacun que j'ai employé d'abord a tout de même cet effet de me rappeler qu'après tout, si j'ose dire, le rapport entre tout n'est pas sans évoquer l'horizon du 1 à 1, de la chacun sa chacune. Ceci correspondant au bivouac fait écho à ce que nous savons qui est essentiel à présentifier le nombre. Remarquons ceci, c'est pouvons dès lors éliminer l'existence de ces deux dimensions. Et que on peut même dire que le modèle animal est justement ce qui suggère le fantasme animique. Si nous n'avions pas ce modèle animal, même si le choix de rencontre, l'accouplement bivoque, est-ce qu'il nous en apparaît, de savoir qu'il n'y a que deux animaux qui communiquent ensemble? Eh bien, nous n'avons pas cette dimension essentiel, qui est très précisément que la rencontre est unique. Ce n'est pas hasard si je dis que c'est de là seulement que se fomente le modèle animique. Appelons ça la rencontre d'âme à âme. Celui qui sait la condition de l'être parlant n'a en tout cas pas à s'étonner que la rencontre à partir de ce fondement sera justement à répéter en tant qu'unique. Il y a là besoin de faire entrer en jeu aucune dimension de vertu. c'est la nécessité même de ce qui gelait par là qui se produit unique, ce qui se répète. C'est rien en quoi ce n'est du modèle animal que se soutient, et se fomente le fantasme que j'ai appelé animique. Mais c'est un fantasme, bien sûr. Là, qui, le langage n'existe pas, mais ce n'est évidemment pas ce qui nous intéresse comme champ à l'aide. Qui nous donne l'illusion du rapport sexuel chez l'être par le coup, c'est tout ce qui matérialise l'universel dans un comportement qui est effectivement de troupe dans les rapports entre les sexes. J'ai déjà souligné que dans la quête de la chasse, comme on voudrait sexuelle, les garçons s'encouragent. Et pour les filles, elles aiment à se redoubler. Tant que cela a des avantages, bien sûr. C'est une remarque éthologique que j'ai fait à l'occasion, mais qui ne tranche rien. Car il suffit de réfléchir pour y voir un mirage assez équivoque pour qu'il ne puisse pas soutenir l'ordre. Pour être ici, insistant et m'en tenir au niveau de l'expérience la plus rare, de la rareté de l'expérience analytique, je vous rappellerai que l'imaginaire, qui est ce que nous reconstituons dans le modèle animal, que nous reconstituons à notre idée, bien sûr. Car il est clair que nous pouvons le reconstruire que par l'observation. Mais l'imaginaire, par contre, nous en avons une expérience qui n'est pas aisée, mais la psychanalyse nous a permis d'étendre. Et pour dire des choses crues, me semble-t-il pas difficile de me faire entendre si j'avance. J'ai appelé ça crûment, c'est pas si cru, c'est cruel. Eh bien, mon Dieu, quand toute rencontre sexuelle, s'il y a quelque chose que la psychanalyse permet d'avancer, c'est bien je ne sais quel profil d'autre présence pour lequel, mon Dieu, le terme vulgaire partout n'est pas absolument exclu. Cette référence en elle-même n'a rien de décisif, puisqu'après tout, on pourrait prendre l'air sérieux de dire que c'est justement là le stigmate de l'anomalie, comme si la normale, en deux mots, la normale était situable quelque part. Il est certain que avancer terme, celui que je viens d'épargner de son bouquet, je n'ai certainement pas cherché à vibrer chez lui la lyre érotique. Que si simplement ça une petite valeur d'éveil, que ça vienne au moins cette dimension, non pas celle de ce qui peut aussi faire écho des roses, mais simplement la dimension pure du réveil. Je suis certes pas là pour vous amuser dans ce corps, mais passons maintenant, frère, ce qu'il en est, la parenté de l'universel avec notre affaire, à savoir l'énoncer par quoi les objets devraient se répartir en deux tous d'équivalence opposée. Je viens de vous faire remarquer qu'il n'y a nullement lieu d'exiger l'équilibrité des individus. Je suis resté un. J'ai pu soutenir ce que j'avais à en avancer simplement de la bi-univocité de l'accouplement. Ce serait si c'était possible, deux universels définis donc par le seul établissement de la possibilité d'un rapport de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Le dit rapport n'a absolument rien à faire avec ce qu'on appelle couramment le rapport secret. On a des tas de rapports à ces rapports, plusieurs rapports, on a aussi quelques petits rapports qui occupent notre littérature. Mais au niveau où je place, il s'agit de fonder ce rapport dans des universels. Comment l'universel homme se rapporte à l'universel femme? C'est là la question. Et c'est la question qui s'impose à nous du fait que le langage, très précisément, exige que ce soit par là qu'il soit fondé. S'il n'y avait pas de langage, ben, il n'y aurait pas de question. Et nous n'aurions pas à faire entrer en jeu l'universel. Oui. Ce rapport, pour préciser, rendre l'autre absolument étranger à ce que pourrait être ici purement et simplement second homme, et ce qui peut-être ce sera une force d'accentuer le grand âme dont je marque cet autre comme vide de quelque chose de supplémentaire, un âge. Le autre, ce serait pas si mauvaise manière de entendre la dimension de hell qui peut ici entrer en jeu, soit de nous apercevoir, par exemple, que tout ce que nous avons vu, des lucubrations philosophiques, n'était pas par hasard sorti de Socrate. Manifestement, historique, je veux dire cliniquement. En fait, nous avons le rapport de ces manifestations catalytiques. Je veux nommer Socrate, n'est-ce pas? Je veux nommer Socrate s'il a pu soutenir un discours dont on ne sait pas bien qu'il est à l'origine. La science, c'est très précisément pour avoir fait lire, comme je le définis à la place du ciel, le pur sujet, et ceci, il l'a pu très précisément, en raison de cette dimension qui est pour lui très sensuelle, en termes de savoir cette haine de sa femme, d'abord appelée par son nom, cette personne, c'était sa femme au point de sa femme même, il a fallu le moment de sa mort, où la mort sortirait pour laisser à la dite mort de sa circulation politique. C'est simplement une dimension d'intégration concernant le point où gîte la question que nous sommes en train de soulever. J'ai dit, si nous pouvons dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel, ce n'est assurément pas en toute innocence. C'est parce que l'expérience, à savoir un mode de discours qui n'est point sûrement celui qui s'est et celui que j'ai inscrit sous une répartition quadripolique comme étant un discours analytique, et que ce qui ressort de ce discours, c'est la dimension jamais jusqu'à présent évoquée de la fonction phallique. C'est à savoir sur quelque chose. Par quoi ce n'est pas du rapport sexuel que se caractérise au moins l'un des deux termes, très précisément celui auquel s'attache ici ce mot le. C'est non pas de sa position d'homme qui serait inductible à quelque chose qu'on appelle sera le mal, soit par la terminologie chinoise, l'essence du temps, c'est très précisément au contraire en raison de ce qui, après tout, mérite d'être appelé pour accentuer le sens voilé parce qu'il nous vient loin du terme d'organe, c'est justement ce qui est organe pour accentuer les choses encore un ustensile. C'est donc l'ustensile de l'expérience analytique qui incite avoir tourné tout ce qui s'énonce du rapport sexuel. Ceci est une nouveauté, je le dis, répond à l'émergence d'un discours qui, à cela, n'était jamais venu encore au jeu, il serait sûr. concevoir son imprenable émergence du discours de la science en tant qu'il est insertion du langage sur le réel mathématique. J'ai dit que ce qui stigmatise sera d'être dans le langage profondément superficiel. Et très précisément ceci, qu'il n'y a plus moyen, comme ça s'est fait pourtant, mais dans une dimension qui me paraît être grande, que il ne peut plus s'écrire en termes d'essence, mal et femelle, que c'est de ne pouvoir s'écrire, qu'est-ce que ça vous dit, puisqu'après tout, ça s'est déjà écrit. Si je repousse cet ancien critique au nom du discours analytique, vous pourriez objecter l'objection bien plus valable que je l'écris moi aussi, puisque aussi bien ce que je viens de remettre une fois plus au début, c'est quelque chose qui prétend supporter une écriture, quoi, le réseau de l'affaire sexuelle. Néanmoins, cette écriture ne s'occupe, ne prend sa forme que d'une écriture très spécifique, à savoir ce qu'a permis d'introduire dans la musique l'irruption précisément de ce qu'on demandait tout à l'heure, à savoir d'une topologie matérielle. Ce n'est à partir de l'existence de la formulation de cette topologie que nous avons pu de toute proposition imaginer une façon fonction propositionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui se spécifie de la place vide qu'on y laisse et en fonction de laquelle se détermine l'argument. Ici, je veux vous faire remarquer que très précisément, ce que j'emprunte à l'opération, à l'inscription mathématique, en tant qu'elle se substitue aux premières formes, je ne dis pas formalisation, aux formes ébauchées par Aristote dans sa Syllogistique. Que donc, cette inscription sous le terme d'une fonction argumentée pourrait, semble-t-il, nous offrir un terme aisé à spécifier l'opposition sexuelle. Qu'y faudrait-il? Il suffirait que les fonctions respectives du mâle et de la femelle se distinguent très précisément comme le yin et le yang. C'est très précisément de ce que la fonction est unique. Il s'agit toujours du phi de x que s'engendre, comme vous le savez, ce n'est pas possible, ce fait que vous soyez ici, vous n'avez pas au moins une ou deux s'entendre la difficulté de la compilation. Fidelix affirme qu'il est vrai, c'est le sens qu'a le terme fonctionne, qu'il est vrai que ce qui se rapporte à l'exercice, au registre de l'acte sexuel, relève de la fonction faite. C'est très précisément en fait qu'il s'agit de fonction faite. De quel côté nous regardions, je veux dire, d'un côté ou de l'autre, que quelque chose nous sollicite, de demander à l'autre en quoi les deux partenaires diffèrent. Et c'est très précisément ce qu'inscrit que j'ai mis au tableau. S'il savait que du fait de dominer également les deux partenaires, la fonction phallique ne les fait pas différents, il n'en reste pas moins que c'est alors ailleurs que nous devons rechercher la différence. C'est en quoi nous formule, celle inscrite au tableau, mérite d'être interrogée. Sur les deux versants, le versant de gauche s'opposant au versant de droite, le niveau supérieur s'opposant au niveau inférieur, qu'est-ce que cela veut dire? Que cela veut dire mérite d'être ausculté, si je puis dire, c'est à savoir d'être interrogé, je dirais d'abord, sur ce en quoi elle peut faire montre d'un certain abus. Il est clair que ce n'est pas parce que j'ai usé d'une formulation faite de l'irruption des mathématiques dans la logique, que je m'enseigne tout à fait de la même façon. Et mes premières remarques vont consister à montrer qu'en fait, la façon dont j'en use est telle qu'elle n'est aucunement traductible en termes de logique des propositions. Que le mode sous lequel la variable, ce qu'on appelle la variable, savoir ce qui fait place à l'argument, est quelque chose qui est ici tout à fait spécifique, par la forme quadruple sous laquelle la relation d'argument à la fonction est posée, pour simplement introduire ce dont il s'agit. Je vous rappellerai qu'en logique des propositions, nous avons deux premiers plans, il y en a deux, mais quatre relations fondamentales qui, en quelque sorte, sont le fondement de l'algèbre des propositions qui sont respectivement la négation, la conversion, la disjonction et l'implication. Il y en a d'autres, mais ce sont les premières, toutes les autres s'y ramènent. J'avance que la façon dont sont écrites nos positions d'argument et de fonction est telle que la relation dite de négation, par quoi ce qui est posé comme vérité ne saurait nier le passé au faux et très précisément ce qui ici est insoutenable. Car vous pouvez voir au niveau quel qu'il soit, je veux dire le niveau inférieur et le niveau supérieur, où l'énoncé de la fonction, à savoir qu'elle est phallique, où l'énoncé de la fonction est posé soit comme vérité, soit précisément comme alka. Puisqu'après tout, la vraie vérité, ce serait justement si on ne sait pas ce qui ici peut s'écrire, que sous la forme qui conteste la fonction phallique, à savoir, il n'est pas vrai que la fonction phallique soit sous forme de rapport sexuel, que dans les deux cas, à ces deux niveaux, comme tel indépendant, dont il ne s'agit pas du tout de faire de l'un la négation de l'autre, mais au contraire de l'un l'obstacle à l'autre. Par contre, ce que vous voyez se répartir, c'est justement un « il existe » et un « il n'existe pas ». C'est un « tout » d'un côté, « tout X », à savoir le domaine de ce qui est là, se définit par la fonction phallique, et la différence de la position, de l'argument de la position phallique, dans la fonction phallique, c'est très précisément que ce n'est pas le crâne, mais c'est l'esprit. Vous voyez bien que l'un, que loin, que l'un s'oppose à l'autre comme sa négation. C'est tout au contraire de leur subsistance ici, très positivement communiqué, il y a un X qui peut se souvenir dans cette au-delà de la fonction. Et de l'autre côté, il n'y en a pas pour la simple raison que les femmes ne sauraient être châtrées pour les mêmes raisons. C'est un certain niveau. C'est le niveau de ce qui justement nous est barré comme rapport sexuel, tandis qu'au niveau de la fonction phallique, c'est très précisément cela. En ce qu'on tout s'oppose, alors pas tout, qu'il y a chance d'une répartition de gauche à droite, et on s'y fondra comme mâle et comme femelle. Loin donc de la relation de l'émulation force à choisir. C'est au contraire en tant que loin d'avoir à choisir. Nous avons à répartir que les deux côtés s'opposent légitimement l'un à l'autre. J'ai parlé après la négation de la conjonction. La conjonction, je n'aurais besoin pour lui révéler son compte dans l'occasion que de faire la remarque dont j'espère qu'il y a inspiré un peu de gens qui ont tout ça vraiment outillé un livre de logique, pour que je n'ai pas besoin d'insister, c'est à savoir que la conjonction est fondée très précisément sur ceci. Ne prend valeur que du fait que deux propositions peuvent être toutes deux vraies. Et c'est justement ce que d'aucune façon ne nous permet ce qui est inscrit au tableau, puisque vous voyez bien que de droite à gauche, il n'y a aucune identité, et que très précisément là où il s'agit de ce qui est posé comme vrai, à savoir fil de X, c'est justement à ce niveau que les universels ne peuvent se conjoindre, l'universel du côté gauche ne s'opposant de l'autre côté, du côté droit, au fait qu'il n'y a pas d'universel articulable. C'est à savoir que la femme, au regard de la fonction phallique, ne se situe que de partout il y a le sujet. L'étrange est que pour autant, la disjonction vient par plus. Si vous vous rappelez que la disjonction ne prend valeur que du fait que deux propositions ne peuvent, c'est impossible, qu'elles soient fausses en même temps, c'est pas seulement la relation. Dirons-nous la plus forte ou la plus faible, c'est pas seulement la plus forte en ceci que c'est celle qui est la plus miraculeuse, s'il faut un minimum pour qu'il y ait disjonction, que la disjonction rend valable qu'une proposition soit vraie ou autre fausse, que bien sûr qu'il soit vraie, ceci, s'ajoutant que celle que j'ai appelée l'une vraie ou autre fausse, c'est peut-être l'une fausse ou autre vraie, donc au moins trois combinatoires de la disjonction soutient, la seule chose qu'elle puisse ramener, c'est que toutes les deux soient fausses. Or, nous avons ici deux fonctions qui sont posées comme n'étant pas, je l'ai dit tout à l'heure, la vérité, à savoir celles qui sont en haut. Nous semblons ici tenir quelque chose qui donne espoir, à savoir qu'à tout le moins, nous aurions articulé une véritable disjonction. Or, remarquez ce qui est écrit, qui est quelque chose que j'aurais bien sûr votre occasion d'articuler d'une façon qui ne peut pas vivre, c'est qu'il y a très précisément d'un côté de ce fil avec le signe de la négation au-dessus, à savoir, c'est en tant que la fonction phallique ne fonctionne pas, qu'il y a chance de rapport sexuel, nous avons posé qu'il faut qu'il existe un X de cela. Or, de l'autre côté, qu'avons-nous qui n'en existe pas? De sorte qu'on peut dire que le sort de ce qui serait un mode sous lequel se soutiendrait la différenciation du mâle et du femelle, de l'homme et de la femme, c'est l'être par l'homme, cette chance que nous avons qui est ceci, c'est que si un individu, il y a discorde, et nous verrons ce que tout à l'heure par là, je veux dire au niveau des universels qui ne se soutiennent pas, je fais l'inconsistance d'un autre, que se passe-t-il? Là où nous écartons la fonction elle-même, c'est que si d'un côté, on est supposé qu'il existe un X qui satisfasse à phi de X lié, de l'autre, nous avons l'expresse formulation qu'aucun X que j'ai illustré de dire de la femme qui pour les meilleurs des hommes serait l'être, mais il n'y a justement l'énoncé aucun X, c'est-à-dire qu'au disjonction, la chance de sa vie, nous le trouvons d'un côté. Hein? Tout au moins ce que j'ai avancé, l'eau moins, hein? Et de l'autre, très possiblement, la non-existence. C'est-à-dire, le rapport entre un agent. Très précisément au niveau du rapport sexuel. En réponse, non pas à tout d'être réalisé, mais simplement d'être espéré au-delà. Au-delà de l'abolition par l'écart de la fonction famille, nous ne trouvons plus comme présent, si osais-je dire, que l'un des deux sexes. C'est très précisément ceci qui est aimé. Ce qu'il nous faut rapprocher de l'expérience, celle que vous êtes habitué à la voir s'énoncer, sous cette forme, que la femme saisit de ce que l'universel pourrait ne sache surgir de la fonction phallique, où elle participe, comme vous le savez, ceci, c'est l'expérience, hélas, au quotidien, pourrait pas vous voiler la structure, mais elle ne participe qu'à la vouloir sera admirée à l'homme. Soit mon Dieu, qu'elle lui en impose le service, le calme, ou pire, c'est le cas de dire, qu'elle le lui rende. Mais très précisément, ceci ne l'universalise pas. Ne serait-ce que de ceci qui est cette racine patente, qu'elle recèle une autre jouissance. La jouissance dite proprement féminine qui n'en dépend nullement. Si la femme n'est pas toute, c'est que sa jouissance, elle, est duelle. C'est bien ce qu'a révélé Tirosiaque. Quand il est revenu d'avoir été par la grâce de Zeus, Thérèse pourrait être naturellement la conséquence que l'on sait et qui était là enfin, comme étalée, si je puis dire, visible, c'est le cas de dire, pour Édipe, n'est-ce pas, pour lui montrer ce qu'il attendait, si je puis dire. Il l'attendait comme d'avoir existé justement lui, comme homme de cette possession suprême qui résultait de la duperie. Où sa partenaire le maintenait de véritable nature de ses frères, sa sens. Bien disons-le autrement, faute que sa partenaire lui demanda de refuser ce qu'il lui demandait. Ceci, évidemment, manifestant, mais au niveau limite, ceci, que pour exister comme homme, à un niveau échappe à la fonction phallique, il avait d'autres femmes que celle-là pour lui n'aurait justement pas dû exister. Voilà. Pourquoi ça n'aurait pas dû? Pourquoi interdit l'inceste? Ça rendrait nécessaire, en fait, cette voix qui vient du Père, précisément, je dis que je ne m'engagerai plus jamais comme ça. Parce que j'ai trouvé que j'ai lu que quelqu'un m'a prié comme ça. Première conférence de l'année 63, ici même, hein, à Sainte-Anne. Bien pour ça que j'ai tiré. Parce que c'est mémorable. J'ai lu ça, en fait. Presque ça même, une certaine intimité. Du sort que la communauté, si je publie encore, en paminard, ou avec d'autres publient un peu avec moi, ça m'encourage. Et si je le publie, enfin, on verra quel soin je ferai alors. J'ai travaillé depuis cinq ans, sur certains nombres de registres. La métaphore de la réelle, le nom propre, enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. Avec la Bible, qui donne un sens, cette vibration mythique de l'Église. Mais je ne le ferai plus jamais. Je ne le ferai plus jamais, parce que je peux me contenter et formuler des choses au niveau de la structure logique, qui après tout a bien ses droits. Voilà, ce que je peux vous dire, n'est-ce pas, c'est que ce est le mixtape, le savoir qui n'existe pas. Bien, qui, à un certain niveau, celui où il y aura une chance qu'il y ait un rapport sexuel, cet hétéros en tant qu'absent. Ce n'est pas du tout forcément le privilège du sexe féminin. C'est simplement l'indication de ce qui est dans mon graphe, tout ça, en fait, ce que j'entissant, n'est-ce pas, de ce que j'inscris ici, le plan de A à R. Ça veut dire l'autre, d'où on le prenne, l'autre absent, à partir du moment où il s'agit de rapport sexuel, naturellement, au niveau de ce qui fonctionne, c'est-à-dire la fonction de la vie, il y a simplement, enfin, cette discorde que je viens de rappeler, à savoir que d'un côté et de l'autre, là, pour le coup, on n'est pas dans la même position. Je vois d'un côté l'universel fondé sur un rapport nécessaire, sympathique, et de l'autre côté, un rapport contingent, parce que la femme n'est pas toute. Selon donc, au niveau supérieur, le rapport fondé sur la distinction, l'épanouissement, l'existence d'un des partenaires qui laisse la place bio-description de la parole n'est pas à ce niveau-là le privilège de quelqu'un côté. Seulement pour qu'il y ait fondement du sexe, on dit il faut qu'il soit deux. 0 et 1, assurément, ça fait deux sur le plan symbolique, à savoir pour autant que nous accordons l'existence sans racine dans le symbole. C'est ce qui définit l'être par nous. Personnellement, il est quelque chose de bien qu'est-ce qui n'est pas ce qui est. Selon cet être est absolument insaisissable. Et il est d'autant plus insaisissable qu'il est forcé à supporter, passer par le symbole. Il est clair qu'un être qui en vient à n'être que du symbole, et justement cet être sans être auquel tu souhaites vous parler, vous participez tous, mais par contre, il est bien certain que supporte, c'est l'existence, et pour autant que l'existence n'est pas être, c'est-à-dire c'est dépendre de l'autre. Vous êtes bien là tous par quelque côté à exister, mais sur ce qui est votre être, vous n'êtes pas tellement tranquille. Autrement, vous n'y arrivez pas à chercher l'assurance en tant qu'effort psychanalytique. C'est évidemment là quelque chose qui est tout à fait originel dans la première émergence de la logique. Dans la première émergence de la logique, il y a quelque chose qui est tout à fait frappant, c'est la difficulté de flottement, n'est-ce pas, qu'Aristote manifeste à propos du statut de la proposition particulière. Ce sont des difficultés qui ont été soulignées ailleurs, je n'ai pas découvert. Et pour ceux qui vont se porter, je leur conseille le cahier numéro 10, là, qui est le cahier pour l'analyse, ou un premier article, nommé Jacques Brunswick, qui est là-dessus excellent. Les idées ont parfaitement pointé la difficulté qu'Aristote a avec la particulière. C'est qu'à ce moment, il perçoit que l'existence d'aucune façon ne saurait s'établir que hors de l'universel, ce bien en quoi il situe l'existence au niveau de la particulière, laquelle particulière n'est nullement suffisante pour la soutenir, encore qu'il en donne l'illusion, grâce à l'emploi du mot « qu'être ». Il est clair au contraire, ce qui résulte de la formalisation dite des quanteurs, dite des quanteurs en raison d'une trace laissée dans l'histoire philosophique, par le fait qu'un homme est appelé, qui était un romancier pas très bon et un mystique certainement effréné, Élisabeth lui dit appelé, qui a fait l'âme d'or. C'est cet appelé qui un jour a introduit dans Aristote ce qui concernait le tous et le quel, qui était de l'ordre de la quantité. Première vingtaine. C'est au contraire simplement deux modes différents de ce que je pourrais appeler, si vous me passez ça, vous pouvez l'improviser, l'incarnation du saint. À savoir le passage dans la vie courante, qu'il y ait des tous et des quelques dans toutes les langues. C'est bien là ce qui assurément force à poser que le langage doit tout de même avoir des racines communes et que comme les langues sont très profondément différentes dans leur structure, il faut bien que ce soit d'un rapport à quelque chose qui n'est pas le langage. Bien sûr, on comprend ici les gens glissent. Et que sous prétexte que ce qu'on pressent être cet au-delà du langage ne peut être mathématique, On s'imagine une vaste scène qui s'agit de la quantité. Mais peut-être juste le nom. Mais peut-être juste le nom n'est-ce pas proprement parler le nom dans toute sa réalité auquel le langage donne accès, mais seulement d'être capable d'accrocher le zéro et le un. Ce serait par là que ce serait fait l'entrée de ce réel seul à pouvoir avec l'au-delà du langage, à savoir au seul domaine où peut se formuler une impossibilité simple. Ce fait que du rapport, lui accessible au langage, accessible au langage s'il est fondé très justement, du non-rapport sexuel, qui ne puisse donc qu'affronter le zéro et un, ceci trouverait aisément son reflet dans l'élaboration par Frédéric de sa genèse logique des noms. Je vous ai dit, indiqué que tout le moins, ce qui fait la difficulté dans cette genèse logique, à savoir l'abéance que je vous ai soulignée, le triangle mathématique, entre ce 0 et ce 1, l'abéance qui redouble leur opposition d'affrontement, que déjà ce qui peut intervenir ne soit là du fait que ce soit là l'essence du premier couple, que ce ne puisse être qu'un troisième, et que la béance comme telle soit toujours laissée du deux, c'est là quelque chose d'essentiel à rappeler en raison de quelque chose de bien plus dangereux à laisser subsister dans l'analyse que les aventures mythiques des dieux qui sont en elles-mêmes sans aucun inconvénient pour autant qu'elles structurent admirablement la nécessité qu'il y ait quelque part au moins eux qui transcendent ce qui en est de la prise de la fonction phallique. Le mythe du père primitif ne veut rien dire d'autre. Ceci y est très suffisamment exprimé pour que nous puissions en faire aisément usage, outre que nous le trouvons confirmé par la structuration logique qui est celle que je vous rappelle de ce qui est inscrit. Par contre, assurément rien de plus dangereux que les confusions sur ce qu'il en est de l'un. L'un, comme vous le savez, est fréquemment évoqué par Freud comme signifiant ce qui nomme d'une essence de l'éros qui serait celle justement de la fusion, à savoir que la libido serait de cette sorte d'essence qui des deux tendrait à faire un. Et qui, mon Dieu, selon un vieux mythe, qui assurément n'est pas du tout de bonne mystique, serait ce à quoi tendrait une des tensions fondamentales du monde, à savoir de ne faire qu'un. Ce mythe qui est véritablement quelque chose qui peut fonctionner à un horizon de délire, et qui n'a à proprement parler rien à faire avec quoi que ce soit pour rencontrer notre expérience. S'il y a quelque chose de bien patent dans les rapports entre les sexes, plus l'analyse, non seulement articule, mais faite, pour faire jouer dans tous les sens, c'est que s'il y a bien quelque chose qui dans les rapports fait difficulté, c'est pas forcément le rapport entre les femmes et quand rien ne saurait y ressembler à je ne sais quoi de spontané. Oh, précisément cet horizon dont je parlais tout à l'heure comme étant un animique fondé sur je ne sais quel mythe animal, que d'aucune façon l'éros soit une tendance à l'homme, bien loin de là. C'est dans cette mesure, c'est dans cette fonction que toute articulation précise de ce qu'il en est, des deux niveaux, de ce que nous met dans la discorde, que se fonde l'opposition entre les sexes, en tant qu'il pourrait d'aucune façon s'instituer d'un universel, qu'au niveau de l'existence, au contraire, c'est très précisément dans une opposition qui consiste l'annulation, le vidage d'une des fonctions comme étant celle de l'autre, que recèle la possibilité de l'articulation du langage, c'est cela qui parle essentiellement à mettre en évidence. Observez que tout à l'heure, nous ayons parlé successivement de la négation, de la conjonction, de la disjonction, je n'ai pas poussé jusqu'au bout ce qu'il en était l'implication. Il est clair que ici encore, l'implication, elle, ne saurait fonctionner qu'entre les deux niveaux, celui de la fonction phallique et celui qui l'écarte. Or, rien de ce qui est disjonction au niveau inférieur, au niveau de l'insuffisance, de la spécialisation universelle, rien n'implique pour autant, rien n'exige que ce soit si et si seulement la syncope d'existence qui se produit au niveau supérieur effectivement se produise que la discorde du niveau inférieur soit exigible et très possiblement réciproquement. Par contre, ce que nous voyons, c'est une fois de plus fonctionner d'une façon mais distincte, mais séparée, la relation du niveau supérieur au niveau inférieur. L'exigence supérieure au niveau intérieur. L'exigence qu'il existe au moins un homme qui est celle qui paraît émise au niveau de ce féminin qui se spécifie d'être un par une dualité. Le seul point de la dualité a chance d'être représenté. Il n'y a là qu'un réquisite, si je puis dire, gratuit. C'est au moins un rien de la cause, sinon la chance unique, encore faut-il qu'elle soit jouée, de ce que quelque chose fonctionne sur l'autre versant, mais comme point idéal, comme possibilité pour tous les hommes d'y atteindre par quoi? Par identification. Il y a là une nécessité logique qui s'impose au niveau du pari. Mais observez par contre ce qu'il en résulte concernant l'universel marbre. C'est en quoi c'est au moins un dont se supporte le nom du Père, le nom du Père mythique, est indispensable. C'est ici que j'avance. Un apostu qui est celui qui manque à la fonction, à la notion de l'espèce ou de la classe. C'est en ce sens que ce n'est pas par hasard que toute cette dialectique dans les formes aristotéliciennes a été manquée. Où fonctionne en fait cette E de X, c'est qu'il en existe au moins un qui ne soit pas chef de la fonction de la vie. Ce n'est qu'un réquisite, je dirais du type désespéré, du point de vue de quelque chose qui même ne se supporte pas d'une définition universelle. Mais par contre, observez qu'au regard de l'universel marbre du Aristoteles, tout marbre est certes la fonction palique. C'est au moins simple comme fonctionnant d'y échapper. Qu'est-ce qu'il dit? Je dirais que c'est une exception. C'est bien la foi où ce que dit, sans savoir ce qu'il dit le prophète, que l'exception confirme la règle, se trouve pour nous supporter. Il est singulier que ce ne soit qu'avec le discours analytique que ceci, qu'un universel puisse trouver dans l'existence de l'exception son fondement véritable, qui fait que seulement nous pouvons en tout cas distinguer l'universel ainsi fondé de tout usage rendu commun par la tradition philosophique du dit universel. Mais il y a une chose singulière que je me trouve tout ça par voie d'enquête, parce que d'une formation ancienne, je n'ignore pas tout à fait chez moi. J'ai demandé à un de mes chers amis de me rappeler, parce que évidemment, je vais garder plus ou moins comme trace. Mais ce qu'il a fallu que je me fasse confirmer par quelqu'un de célèbre maternel, il est à ce moment très étrange que dans le chinois, le, la dénomination du tout du pilexpérience, qu'il s'agisse de l'articulation tôt, le je ne vous écris pas au tableau, parce que c'est fatigué. Ou de l'articulation plus ancienne qui se dit tiens. Enfin, si ça vous amuse, il faut quand même vous mettre. Tiens, c'est comme ça. Et quand nous, si mon Seigneur est bon, c'est comme ça. Est-ce que vous imaginez qu'on peut dire, par exemple, que tous les hommes bouffent, et là ça se dit même au cœur de vous, mais insiste sur le fait qu'il est bien là, et si vous en doutiez, la lumière à vous. La numérale gauche montre bien qu'on les compte. Mais ça nous fait par tous. On agit donc ce qui veut dire, sans exception. Et que je pourrais vous citer, bien sûr, autre chose, enfin, que pour dire que tous les soldats, n'est-ce pas, ont péri, n'est-ce pas, tiens, ils sont tous morts. En chinois, ça se dit soldats sans exception. Le tout que nous voyons pour nous cette année de la terreur, n'est-ce pas, et de trouver sa limite que de l'inclusion, d'être pris dans les ensembles de plus en plus vaste. En langue chinoise, on ne dit jamais toi, ni tiens, qu'en pensant enfin la totalité dont il s'agit comme contenu. Vous me direz sans exception, mais bien sûr, ce que nous découvrons dans nos attitudes comme relation ici de l'existant par rapport au statut de l'universel prend la figure d'une exception. Même si bien est-ce ce qui n'est là que le corps est là, de ce que j'ai appelé tout à l'heure le vide de l'autre, sans quoi nous avons progressé dans la logique des classes que nous avons créée, la logique des ensembles. La différence entre la classe et l'ensemble, c'est quand la classe est vide, il y a une classe. Mais quand l'ensemble se vide, il y a encore des éléments qui sont la vie. C'est vraiment ça qu'on voit plus. Mathématiques peut faire un progrès à la logique. C'est ici que nous pouvons, puisque nous continuons à nous entretenir, ça va finir bientôt, je suis assuré, c'est de voir alors là où reprend l'unilatéralité de la fonction existentielle pour ce qui est de l'autre partenaire quand il est ainsi connu. Ce sens exclusif qu'implique la non-existence de l'X dans la partie droite du tableau. À savoir qu'il n'y a pas d'exception. C'est là quelque chose qui n'a plus d'admissible de parallélisme, de symétrie avec l'exigence, ce que j'ai appelé tout à l'heure respirer de l'ouest. C'est une exigence autre qui repose sur ceci, c'est quand un compte universel masculin peut prendre son assiette dans l'assurance qu'il n'existe pas de femme qui est un être chambré, et ceci pour une raison qui lui paraît évidente. Seulement ceci n'a en fait, vous savez, pas pu porter, pour la raison que c'est une assurance tout à fait gratuite, à savoir que j'ai rappelé tout à l'heure le comportement de la femme, montre assez que sa relation à la fonction familiale est tout à fait active. Seulement là, comme tout à l'heure, si la supposition fondée sur en quelque sorte l'assurance qu'il s'agit bien d'un impossible, si le comble du réel, ceci n'ébranle pas pour autant la fragilité, si je puis dire, de la conjecture, parce qu'en tout cas, la femme n'en est pas plus assurée de son essence universelle, pour la simple raison de ceci. C'est que le contraire de la limite, à savoir qu'il n'y en est pas, qu'ici, il n'y ait pas d'exception. Le fait qu'il n'y ait pas d'exception n'assure pas plus l'universel déjà si mal établi. En raison de ceci, et discordant, n'assure pas plus l'universel de la femme. Le sens d'exception vient loin de donner à quelque tout plus de consistance. Naturellement, encore moins, à ce qui s'est dit comme partout, comme essentiellement duel. Voilà que tout ceci vous reste comme chenille nécessaire à ce que nous pourrons tenter ultérieurement de grimper, si seulement nous sommes porté sur la voie où doit sévèrement s'interroger l'évolution de cette chose la plus énorme, à savoir la fonction de l'un. Nous devons bien des choses lorsqu'il en est de la mentalité animale qui nous sert après tout ici. Que de référence au miroir. Un miroir, devant lequel, comme devant tous les miroirs, un élément, il y a quelque chose qu'on pourrait se demander, pour l'animal, y a-t-il de l'air? Le côté extraordinaire de l'émergence de cet un, c'est ce que nous serons amenés ailleurs à tenter de frayer, et c'est bien pour cela que depuis longtemps, je vous ai invité à revenir avant que je l'aborde,